La légende de la mort chez les Bretons armoricains, écrit par Anatole le Brave, annoté par Georges Dautin, correspondant de l'Institut, professeur à l'Université de Rennes, lu par Armen. Avertissement de la présente édition. En donnant aujourd'hui cette nouvelle édition d'une œuvre dont j'ai lieu de me montrer d'autant plus satisfait qu'elle n'est pas à proprement parler de moi, mais de toute la Bretagne celtique en quelque sorte, puisque c'est avec son étroite collaboration et, à vrai dire, sous sa dictée qu'elle fut composée, je considère comme un devoir de cœur d'inscrire ici, dès l'abord, le nom vénéré de l'homme qui en assura pour la première fois la publication. Honoré Champion n'est plus, mais sa mémoire demeure pour moi inséparable de ces pages qu'il accueillit, qu'il aima et dont, tant qu'il vécut, il ne cessa de surveiller avec une tendresse spéciale les destins. Qu'elle reparaisse donc sous la pieuse invocation de ses mânes. Depuis 30 ans bientôt que, par ses soins, la légende de la mort a vu le jour, elle a fourni à l'étranger comme en France une carrière des plus estimables dont le cours ne semble pas épuisé. Cette faveur qu'elle a rencontrée par le monde, il va de soi qu'elle la doit uniquement au séduisant génie de la race, toute de sensibilité et d'imagination, qui nous y a dévoilé ses conceptions les plus secrètes et livré ses songes les plus émouvants. Je ne saurais, pour ma part, revendiquer d'autre mérite que d'avoir réussi à provoquer sa confidence et de m'être efforcé, aussi scrupuleusement qu'il était en moi, d'en reproduire à travers une traduction non seulement la lettre, mais l'esprit. Jamais tâche ne fut plus prenante, ni, malgré la tonalité funèbre du sujet, plus féconde en joie. Je l'ai poursuivi jusqu'à cette heure avec amour, m'employant à enrichir chaque réédition des thèmes nouveaux que j'avais eu l'heureuse fortune de découvrir dans l'intervalle. Celles-ci en renferment un certain nombre qui sont dignes, si je ne m'abuse, de compter parmi les plus significatifs. J'ajoute, non sans mélancolie, qu'ils seront les derniers. Le moment est, en effet, venu de mettre à ces deux volumes, déjà trop compacts, peut-être, le point final. Ce n'est pas que je les tienne sous leur forme actuelle pour complet. Je ne puis que répéter à cet égard ce que j'écrivais naguère dans l'introduction. Avec toutes les additions qu'il a reçues, le corps de cet ouvrage, si amplifié qu'il soit, est encore loin d'embrasser la somme totale des croyances armoricaines relatives à la mort. La matière, d'abord, est inexhaustible. Elle se recrée à mesure qu'on l'exploite, et l'on serait tenté de lui appliquer avec une légère variante le mot de Pascal sur la nature, en disant qu'on se lassera plutôt de la solliciter qu'elle ne se lassera de fournir. Puis même sur les points que l'on se flatte d'avoir le plus copieusement élucidés, le hasard vous garde presque toujours en réserve quelques révélations inattendues. C'est une expérience que je faisais encore récemment et qui vaut d'être relatée à cette place, ne fût-ce que pour la contribution in extremis qu'elle apporte à l'histoire si caractéristique, si foncièrement bretonne par le farouche appétit de justice dont elle témoigne, du culte de Saint-Yves de la vérité. S'il y avait un chapitre de la légende de la mort où je fusse en droit d'espérer que la présente édition ne laissait plus subsister de lacunes, c'était assurément celui-là. Or, il en subsistait une à tout le moins que les circonstances se chargèrent de combler, mais après coup, alors que mon texte était déjà sous presse et que moi-même j'étais en route vers l'Amérique. J'avais pris passage sur la France et m'y étais, on le devine, tout de suite retrouvé en pleine Bretagne bretonnante, mes compatriotes formant, comme à leur habitude, plus des 4/5 de l'équipage. Le capitaine en second, monsieur le Picard, était de Tréguier. Dans mon adolescence, j'avais fréquenté chez son père un artiste du meuble qui exerçait aux portes de la ville un florissant commerce d'antiquités locales. Assis, l'officier et moi, dans le salon exigu du carré sur l'arrière, nous vécûmes des minutes délicieuses à deviser de ces temps évanouis. « Vous nous avez raconté, me dit-il un jour, l'odyssée lamentable de la statue d'Yves le Véridique, arrachée à son sanctuaire de Porzbihan pour être incarcérée à Trédarzec, dans les greniers du presbytère. Mais vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il advint de son hôtel ? » Sur ma réponse négative, il continua. « Il était, si vous vous rappelez, de granit. Les pierres, lors de la démolition de la chapelle, en furent achetées par mon père, qui les réassembla dans un coin de hangar, avec l'intention de les revendre à quelque amateur. Celui-ci se présenta en la personne d'Ambroise Thomas, le compositeur, qui s'était rendu peu d'années auparavant acquéreur de l'île Zilliec. Cette île, nommée improprement Illiec, fait partie du petit archipel de Saint-Gilda, situé sur la côte trégoroise et dépendant de la commune de Pinvénant. C'est là, dans le petit oratoire privé, à côté à la maison d'habitation, que l'hôtel du grand justicier a désormais son suprême refuge. Je suppose que, durant les mois d'hiver, en l'absence des hôtes de l'île, il n'est pas sans recevoir encore des visites analogues à celles que lui faisaient parfois, dans notre hangar, des pèlerins mystérieux, descendu, la baguette écorcée en main des hauts plateaux de l'intérieur ou même de la cime des monts d'Arrée. J'ai particulièrement souvenance de l'un d'eux dont les allures étranges produisirent sur mon âme d'enfant une vive impression. C'était un vieux à la face maigre et rase, habillé à la manière de Cornouailles. Il nous tomba des nues un soir de novembre vers l'heure du souper. À son entrée, nous fûmes tous saisis de compassion, tant il était d'aspect minable, tant il avait l'air battu et triste. Mon père, après avoir écouté sa requête qu'il lui chuchota dans l'oreille, à voix très basse et comme honteuse, l'invita charitablement à partager notre repas, puis, au moment du coucher, lui fit dresser un lit de paille dans la grange. Il nous resta 3 jours. 3 jours pendant lesquels il ne conversa guère qu'avec Saint-Yves, enfermé dans le logis de planches qui abritait les pierres disjointes de son hôtel. Par instants, on l'entendait déblatérer avec véhémence, comme s'il eût apostrophé un ennemi invisible. À l'aube du 4e matin, il prit congé de nous. Vous eussiez dit d'un autre homme. Ses traits respiraient l'allégresse, ses yeux rayonnaient. « Je m'en vais content, » nous déclara-t-il d'un ton de triomphe quasi féroce. « J'aurais mon dû. » Je le suivis du regard jusqu'à ce qu'il se fût effacé dans la brume. Son image traversa longtemps mes nuits et je fus des semaines sans m'approcher du hangar où, d'après les assertions de mon entourage, s'était conclu un pacte terrible entre le saint et son suppliant. Ainsi, même au large de l'Atlantique, sur la mer stérile dont parle le poète, je glanais à l'improviste un épi insoupçonné. Combien d'autres manquent encore à la gerbe ? Mais il ne m'appartient plus, quant à moi, de la grossir davantage, et je me résigne donc à la lier définitivement, telle que la voici. Ce ne sera point toutefois avant d'avoir renouvelé à mon savant ami Georges Dautin l'expression de ma plus affectueuse gratitude pour les multiples obligations dont je lui suis redevable. Je ne saurais assez le remercier de l'intérêt si puissant que ses notes magistrales ajoutent à mon travail. Il semble qu'elles ouvrent à chaque bas de page comme autant de vastes échappées par où la Bretagne funéraire se raccorde et s'unit à ses sœurs d'outre-Manche. Le lecteur ne voyage plus seulement dans les profondeurs de la conscience armoricaine. Il a le sentiment qu'il plonge dans les arcanes de toutes les Celtilles. Anatole Le Braz. Port Blanc, 1er mars 1922.